Mets les deux mains au paquet. Ouais, pour savoir, mets les deux mains au paquet. Fais pas l'histoire, mets ta main à la poste, ton pied là et tais-toi. Fais pas l'histoire, mets les deux mains au paquet. Fais pour savoir, ah, ah, ouais, pour savoir, ah, ah, ah, ouais, pour savoir, ah, ah, ah, ouais, pour savoir, ah, ah, ah, ouais, pour savoir, mets les deux mains au parquet. Ouais, pour savoir, mets les genoux au parquet. Ouais, pour savoir, mets ta main à la pose, ton pied là et tais-toi. Fais pas l'histoire, mets les genoux au parquet. Ouais, pour savoir, ah, ah, ah. Ouais, pour savoir, ah, ah, ah. Ouais, pour savoir, ah, ah, ah. Ouais, pour savoir, ah, ah, ah. Savoir. Fais-moi un tour de passe-passe pour voir si ça passe. Fais-moi le tour du comptoir pour y voir dans le noir. Fais pas d'histoire. Et pour savoir. Savoir. Ouais, pour savoir. Ouais, pour savoir. Ouais, pour savoir. Ouais, pour savoir. Si je fais pas d'histoire, d'histoire dans le noir. Pour savoir si je fais des tours de passe-passe. Et si ça passe pour savoir, si tu vois dans le noir, et tu vois dans le noir, alors tais-toi, pose ta main, pose ton pied là, et tais-toi, mets les genoux au parquet, et tais-toi.